Nicodemus, saying, why do we and the Pharisees fast oft, but your disciples fast not? You see, they have their own disciples, they have their own prophets, they have their own pastors everywhere. Donc ça nous montre que les gens ont leurs propres disciples, leurs propres prophètes et même pasteurs. They all do things in common. Sie tun alles gleich, ähnlich. Ils font des choses presque pareilles. Pareil. Amen. Amen. They are similar to one another. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent. You know, their doctrines are not far from one another. Ihre Lehren ähneln sich. Et leurs doctrines ne sont pas loin de l'autre. The only doctrine that is opposite them is that of Christ. Die einzige Lehre, die komplett gegensätzlich zu ihrer eigenen ist die Lehre von Christus Jesus. Et la seule doctrine qui est au contraire de leur doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Amen. They believe almost in the same thing. Sie glauben alle fast an das Gleiche. Ils croient presque la même chose. If you look at Islam, the Islam zum Judaism, Christianity, the three major religions on earth, they all claim Abraham as their father. Hauptreligion, sie all about Abraham as their father. Bezeugen Abraham als ihren Vater. They're similar. Sie sind ähnlich. Et si tu compares, par exemple, les trois religions qui sont vraiment connues, comme par exemple le christianisme, l'islam ou bien le judaïsme, tu peux voir que eux ils disent toujours que Abraham est leur père. Beware of them, please. Nimm dich in acht vor ihnen. Mais fais attention d'eux. Amen. Amen. Again, all religious churches are dead churches. Alle religiösen Gemeinden sind tote Gemeinden. Toutes les églises religieuses sont des églises mortes. I noticed something of them of recently. You know, the other time myself and us as we went, we saw a man. He was talking about religion. He said religion is not good. I said, who are you? Where you are wrong? Where you are wrong? He was talking. I don't know if my daughter can still remember. He said religion is not good. Then I just look at him. So, but that does not mean he is not religious. Wir haben mit einem Mann geredet und er meinte, Religion ist nicht gut, aber full of religion. Er selbst, ich musste lachen, denn er selbst war voll von Religion. Nur weil du das sagst, heißt nicht, dass du nicht selbst davon ausgeschlossen bist. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens religieux qui disent que la religion est pas bonne, mais après eux-mêmes ils sont toujours religieux. Donc ça signifie que seulement parce que tu dis quelque chose, ça signifie pas que toi-même tu agis selon cette chose. You know, people are religious. They don't want to wash it out. They don't want to believe they are in religion. Leute sind Religion gefangen, wollen es aber nicht glauben. Sie wollen das beiseite bürsten. Et les gens qui sont dans la religion, ils ne peuvent pas croire que eux-mêmes ils sont dans la religion. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, they are like the Pharisees. You know, where had Jesus? Remember John 8? Jesus said, he said, let's go to John 8. Johannes 8. Jean 8. Praise the Lord. Hallelujah. John 8. Johannes 8. You know, Jesus called them as servants. Jesus hat sie Knechte genannt. Jésus-Christ les a appelés les servants. Amen. Amen. They never believed they were servants. Sie haben aber nicht geglaubt, dass sie Knechte sind. Ils ont jamais cru qu'ils sont des servants. Amen. He called them as slaves. They never believed they were slaves. Sie haben nie geglaubt, dass sie Sklaven sind, obwohl sie Sklaven sind. Et Jésus-Christ les a appelés aussi des esclaves, mais ils n'ont jamais cru qu'ils sont des esclaves. Without Christ. Ohne Christus. Ils sont le Christ. You remain a servant of sin. Ein Knecht der Sünde. Ein Sklave der Sünde. Sans le Christ, tu resteras toujours un esclave, un servant du péché. You see that Christ is your master, or the other side is your master. Ist Christus dein Meister, die andere Seite ist dein Meister. Soit le Christ est ton maître, ou l'autre côté est ton maître. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at from verse 30. From verse 33, please. Verset 33. He said, they answer him, we be Abraham's seed, and we are never in bondage to any man. So they were in bondage. Amen. How said thou, you shall be made free. You know, when you tell them they are religious, they never believe it because they call the name of Jesus. That's how, you know, they believe they are Abraham's seed. And because of that, they are not slaves. Or they are not servants. Abrahams Same sind und sie deswegen keine Knechte oder Diener mehr sein können. Et la façon comment les Juifs ne pouvaient pas croire qu'ils sont les esclaves, la même façon comment les gens religieux ont des difficultés de comprendre que eux-mêmes sont les esclaves, qu'ils sont des gens religieux. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus answered them, verse 34. Verily, verily, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. Amen. Who you yield yourself to without Christ? Wenn du dich hingibst ohne Christus. Amen. Et à la personne, become your master. Et à la personne que tu te livres, cette personne sera ton maître. And the servant abided not in the house forever, but the sons abided forever. Mm-hmm. If the son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Amen. I know that you are Abraham's seed. That you seek to kill me, because my word had no place in you. I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. It's not, you know, they are everywhere today. You just see them. On peut voir cette situation partout aujourd'hui au monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus said, "By their fruit you shall know them." Jesus sagt, durch ihre Frucht wird man sie erkennen. Et Jésus-Christ nous dit qu'à travers leurs fruits tu vas les reconnaître. You shall know them by their words. Durch ihre eigenen Worte wirst du sie erkennen. À travers leurs paroles tu vas les reconnaître. Amen. You shall know them by their message. Tu wirst sie erkennen durch ihre Botschaft. Et tu vas les connaître à travers leur message. We know them because we know the truth. Wir kennen sie, weil wir die Wahrheit kennen. On les connaît parce qu'on connaît la vérité. The truth is what we use to prove them. Ist das, was wir nutzen, um sie zu prüfen. Et la vérité est la chose qu'on utilise pour leur éprouver. We know them by their message. We know them by their choices. Wir kennen sie durch ihre Botschaft, durch ihre Entscheidungen. Et on connaît les gens à travers leurs messages et à travers leurs décisions. We know them by what they love and what they hate. Wir kennen sie durch das, was sie lieben und hassen. On connaît les gens à travers la chose qu'ils détestent. We know them by what they call good or evil. Wir kennen sie durch das, was sie gut oder böse nennen. Ou ce qu'ils appellent bien ou mauvais. We know them by what they value. Wir kennen sie durch das, was sie wertschätzen. Et la chose qu'ils apprécient. Amen. Amen. You know, in Luke 10. Lukas 10. Luke 10. Amen. You know, they will value here very well. But Jesus said, rejoice not. Aber Jesus sagt, freut euch nicht darum. Mm. Dans Luc 10, on peut voir que, que Jésus-Christ dit qu'on doit pas se réjouir aux choses que les gens... Look at their joy. Religieux, because through their joy, you know them. Through their peace, you know them. Every you can, you can easily know them. Durch ihre Freude, durch ihre Entscheidung kannst du sie ganz leicht durchschauen und erkennen. Et tu peux reconnaître les gens à travers leurs décisions qu'ils prennent. Amen. Amen. If you read it from 17. Amen. From 17. Amen. Amen. Luc 10, verset 17. To 20. Amen. Jusqu'à you can see the difference between our joy and their joy. What gives us joy and what gives them joy. Was ihnen Freude gibt und was uns Freude gibt. Et tu peux voir la chose qui donne les gens religieux la joie et la chose qui donne les enfants de Dieu la joie. Amen. Christ, the truth that we are, always expose their lies. Christus, die Wahrheit, die wir sind, enthüllt immer wieder ihre Lügen. We need one another. Wir brauchen einander in Christus. Et Jésus-Christ, qui est la vérité, expose toujours les mensonges des gens religieux. C'est ça pourquoi nous avons si besoin l'un et l'autre. That's what Hebrews 10:25 said. He said we need one another. Donc, Hébreux 10, verset 25 nous dit que nous avons besoin de l'un et l'autre. You are not a guy for me. Tu bist mir nicht egal. Ce n'est pas que tu n'es pas important pour moi. I should not be a guy for you. Ich sollte dir auch nicht egal sein. Et moi, je dois toujours être important pour toi. Your salvation means a lot to me. Deine Errettung bedeutet mir viel. Et ton salut compte beaucoup pour moi. And I don't joke with it at all. Und ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Et je ne blague pas du tout avec ton salut. So my salvation should be a lot. To mean a lot to you. Genau sollte auch meine Errettung dir etwas bedeuten. Et même mon salut doit aussi compter beaucoup pour toi. And that is why it must be Christ Und deswegen muss Christus allein sein. Deshalb kann unsere Salvation continue. So kann unsere Errettung weitergehen. C'est ça pourquoi doit s'agir seulement de Jésus-Christ, parce que c'est la seule façon comment notre salut va toujours continuer pour toujours. Amen. And that's how we can continue to be there for one another, through Christ. Und so können wir weiterhin füreinander da sein, durch Christus. Et c'est la seule façon comme on peut toujours être là pour l'un et l'autre si notre concentration est sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Go to John 17, please. Johannes 17. Jean 17. Praise the Lord. Alléluia. John 17. Johannes 17. Verse 21 to 23. 21 bis 23. Jean 17, verset 21 à 23. Praise the Lord. Hallelujah. Jean 17, verset 21 à 23. Praise the Lord. Hallelujah. He said that they all may be one. As thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Amen. Amen. Amen. He values our unity a lot. Er schätzt unsere Einheit sehr. It's very important for him. Ist ihm sehr wichtig. Et Jésus-Christ, il apprécie notre union vraiment beaucoup. C'est très important pour lui. Don't joke with our unity, please. Deswegen nimm unsere Einheit nicht auf die leichte Schulter. Ne blague pas du tout avec notre union. Amen. Amen. Verse 22. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Praise the Lord. Hallelujah. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Praise the Lord. Hallelujah. The only one person that can unite two together, that these two, they are one forever, is Christ Jesus. Der Einzige, der vereinen kann, damit beide Leute für immer eins sind, ist Christus Jesus. Amen. Et la seule personne qui peut unir les gens, deux personnes pour qu'ils restent un pour toujours, c'est seulement Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, Satan might pretend to, you know, might even want to unite you together through money, through wealth, through family. Der Satan kann wohl Leute vereinen durch Geld, durch Familie. Et le diable peut unir les gens à travers de l'argent ou bien de la famille. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But not forever. It is a matter of time. C'est une frage de Zeit. Mais pas pour toujours, c'est seulement une question de temps. You know, if you, sometimes when I see them outside, they are kissing. I don't have this husband, I want to be loving. But they are just kissing. But wait until they get home. I'm going to watch them. I wish we can be there when they are too. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The only person that can bring one together forever is Christ Jesus. Der einzige, der Leute zusammenführen kann für immer, ist Christus Jesus. Wenn ich diese Welt sehe und ihre Paare, wie sie sich auf der Straße küssen und eins sind, aber dann zu Hause gibt es Streit und Zwietracht und keine Einigkeit. Ne? Und das sieht man natürlich draußen nicht, aber wenn man mitgehen könnte und sich das angucken würde, würde man sehen, was wirklich hinter den Kulissen abgeht. Et c'est ça pourquoi quand je vois des couples s'embrasser dehors, je me demande toujours comment c'est leur relation, comment leur relation marche quand ils sont à la maison. Amen. No family can make you one. It is a matter of time. Keine Familie kann euch vereinigen. C'est une frage de Zeit. Et aucune famille peut unir avec des gens parce que c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que vous. No money can make you one. Kein Geld kann euch vereinen. C'est une frage de Zeit. Aucun argent peut vous unir. C'est seulement une question de temps jusqu'à ce que vous. No marriage or even children can make you one. Keine Ehe oder Kinder können dich vereinen. C'est une frage de Zeit. Et c'est même avec le mariage ou bien avec des enfants. Amen. Because nothing here on earth is permanent. Parce que rien ici sur terre est permanent sauf Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. First Peter 1. Quickly go there. Amen. Verse 23 to the end. 23 bis zum Ende. 1 Pierre 1, 23 jusqu'à la fin. Praise the Lord. Amen. It's a being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. You are born by the word. That's why we are the word. The word always gives birth to the word. Das Wort gebiert das Wort. Amen. Nous avons été nés à travers la parole. La parole, oui, ça fait naître la parole. Remember, you know, a goat will give birth to a goat, to the young ones. Amen. Man give birth to man. Do you see it? Mm-hmm. You know, the word will always give birth to the word. Erinnert euch daran, dass Tier immer seinesgleichen gebärt und genauso hat Christus Jesus uns gebärt, denn wir sind eins mit ihm. Das Wort hat das Wort gebärt. Amen. Un animal fait naître un animal et la même façon comment l'homme fait aussi naître l'homme, la même façon comment la parole de Dieu fait naître la parole de Dieu. Amen. And that's why any word that sees you sees the word of God. Jeder, der dich sieht, sieht das Wort Gottes. Et c'est ça pourquoi chaque personne qui te voit, voit la parole de Dieu. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Please see yourself how Christ sees you. Please. Stop seeing yourself in another form. Anders zu sehen. Et commence de te voir la façon comment Jésus-Christ te voit et arrête de te voir différent. Stop seeing yourself as nobody. Et arrête de te voir comme une personne, comme rien. Let you all look for you. Sollte einen nach dir suchen. Parce que tout le monde doit te chercher. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 24, it says, for all flesh is as grass. Okay. Everything. Okay. Family. Money. Everything. Children. Nothing can make you one forever. Nichts kann dich für immer eins machen. It's only through Christ. Yeah. Denn nur durch Christus sind wir eins. Car toute chair est comme l'herbe, donc l'argent, la famille, les enfants, tout est vanité. Tu peux seulement être un avec une personne à travers de Jésus-Christ. For all flesh is as grass, and all the glory of man is as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. Amen. We are the only one that endure forever. Praise the Lord. Amen. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Praise the Lord. Alleluia. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Time is above everything here on earth. Die Zeit steht über allem hier auf Erden. Le temps est au-dessus de tout ici sur terre. It is only Christ that is above time. C'est seulement Christus qui est au-dessus de la Zeit. C'est seulement Jésus-Christ qui est au-dessus du temps. Amen. Amen. Time does not matter. Where he is. Aber die Zeit hat keine Bedeutung, wenn es um Christus geht. Mais le temps n'a pas l'importance là où Jésus-Christ se trouve. Amen. You know, time, age, you know, Zeit, matters a lot in the kingdom of this world. Das sind wichtige Dinge. They're not in the kingdom of heaven. Aber nicht im Königreich des Himmels. Au royaume de ce monde, le temps, l'âge compte beaucoup, mais pas au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the story of Lazarus will help you to know that. Let that be your homework, please. John 11. Just read it. Amen. Read the whole of this, the story of Lazarus. It will help you to know. Et l'histoire de Lazare va t'aider à comprendre que le temps est sous Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi tu dois lire Jean 11 à la maison pour vraiment comprendre cette vérité. Amen. Then we help you to know that we are the one in control and not time. Et ça nous aide à comprendre que ce n'est pas le monde qui est au contrôle, et ou bien l'âge, ou bien le temps qui est au contrôle, mais c'est nous qui sommes au contrôle. You know, just one thing with Jesus when he was here. Time never bothered him. It was not time conscious. Als er hier war, die Zeit hat ihn, let's quickly look at a little place there before we close. Amen. Amen. John 11, please. Et quand Jésus-Christ était ici sur terre, il nous a montré que il ne se s'inquiétait pas du temps. Praise the Lord. Alléluia. John 11. Johannes 11. Jean 11. We read from verse 1 to 6. Johannes 11, 1 to 6. Jean 11, verset 1 à 6. It said, now a certain man was sick, named Lazarus. He was sick. Un homme appelé Lazare était malade. Amen. Of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. 2. It was that Mary, which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Praise the Lord. Amen. Verse 3. Trois. Therefore, his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, Amen. That the Son of God may be glorified thereby. But this man died. But Jesus is saying it's not unto death. And somebody gets it. You know, somebody will call Jesus Christ a liar. Amen. Amen. Somebody will say this man is a liar. He's not on Tode, but he did that. Zum Tod, aber er ist gestorben. Et on peut voir dans l'histoire de Lazare que Jésus-Christ il a dit que il a dit que la mort est donc Lazare était mort ici sur terre. On pouvait voir comment Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas mort du tout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So those of you that are going, choose yourself. Okay, no problem. Amen. Amen. You know, let's we continue now, please. Mm-hmm. No, if you look at here, somebody is, you know, if you don't know Christ, you call him a liar. Wenn du Christus nicht kennst, würdest du ihn einen Lügner nennen. Si tu connais pas le Christ, tu vas l'appeler un menteur. Amen. It's like this sickness is not unto death, but for the glory of God, Amen. That the Son of God might be glorified thereby. Amen. But this must die. Und der Mann ist dennoch gestorben. According to the world system. Nach dem Weltsystem. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Verse 6. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. You know, you heard somebody, you know, he just believed, you know, Jesus just believed that he's not dead. He's not to dead. Mm-hmm. Are you going to believe it? Wirst du es glauben? He was not in haste here. Er war nicht in Eile hier. Like that, you know, I don't know if somebody's getting it. Mm-hmm. You know, he never says something and not believe. Er hat nicht etwas gesagt und nicht glaubt. Once he speak, he believe it. Wenn spricht, dann glaubt er auch. Und lebt er auch danach. Amen. Now, coming back in. Don't okay. Forget me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are we there, please? Mm-hmm. Okay. You can see here what happened here. Du kannst sehen, was hier passiert ist. Tu peux voir ce qui s'est passé ici. Amen. Amen. Jesus was not in panic. Jesus war nicht in Panik. He was not worried. Er war nicht in Eile. Jésus-Christ n'était pas tombé en panique, il n'était pas pressé. He just believed what he believed. Er hat einfach geglaubt, was er geglaubt hat. Il a seulement cru en ce qu'il croyait. He believed he had the final say. Er hat geglaubt, dass er das letzte Wort hat. Il a cru qu'il a le dernier mot. Can we believe like that? Können wir auch so glauben? Est-ce qu'on peut aussi croire comme Jésus-Christ? And believe that we have the final say. Und glauben, dass wir das letzte Wort haben. Et croire qu'on a le dernier mot. And not be in panic or in fear if anything is going otherwise. Und nicht in Panik und Angst sein, wenn es irgendwie anders läuft als gedacht. Et pas être en panique si quelque chose ne marche pas comme on avait prévu. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. He was still there for 2 days. Er war noch 2 Tage da. Il est resté là pour 2 jours. Ah, oh, Daddy. Praise the Lord. Hallelujah. Look at from verse 7 to 10. Verset 7 à 10. Then after that said he to his disciples, let us go into Judea again. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee. And going down thither again. Verse 9. Jesus answered, Are there not 12 hours in a day? If any man walk in the day, he stumble not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumble, because there is no light in him. He wants us to walk in the spirit. Il veut qu'on marche selon l'esprit. Amen. Amen. He is saying that we should learn to put him on always. Hier steht, dass wir lernen sollen, ihn anzuziehen. Et ici, il nous dit qu'on doit être toujours se vêtir de Jésus-Christ. On doit toujours l'habiller. Amen. Amen. He is the light. Il est la lumière. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Again, in verse 9, it says, if any man walk in the day, he stumble not. Why? Because he seeth the light of this world. Christ said he is the light of Christus this world. Erst, because he sees Christ. Mm-hmm. Christus sieht. Et Jésus-Christ dit qu'il est la lumière de ce monde parce qu'il voit le Christ. Amen. Amen. Remember John 8, verse 12 again. He said, I am the light of this world. And if anyone see me, he will walk in the light. Wenn jemand mich sieht, wird im Licht wandeln. Mm. Rappelez-vous que Jésus-Christ nous dit qu'il est la lumière de ce monde. Et si cette personne suit Jésus, si une personne suit Jésus-Christ, elle va aussi marcher automatiquement dans la lumière. You better learn to think like Christ. See like him. Mm. Speak like him. Walk like him. On doit apprendre à marcher comme Jésus-Christ, parler comme Jésus-Christ, être comme Jésus-Christ. He never sees time how man sees time. Er sieht Zeit nicht so wie Menschen Zeit sehen. Il voit jamais le temps comme le monde voit le temps. Now from verse 11 to 17. We'll quickly go there. Amen. Versets 11 à 17. Praise the Lord. Alléluia. This thing said he. And after that he said unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. How be Jesus speak of his death? But they thought that he has spoken of taking of rest in sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. But he said, he first of all said that the sickness was not unto death. But now he now said, praise the Lord. Hallelujah. Please, just read it and the Lord will. Lazarus is dead. But you know, the people, they could have asked him, but you said he was not going to die. Weißt du, er hat doch gesagt, dass er nicht sterben wird. We should just understand him. Wir sollen Christus nicht verstehen, ihn kennen und ihn verstehen. On va seulement connaître Jésus-Christ et si on le connaît, on va le comprendre. Amen. Amen. Then in verse 15. Verset 15. And I am glad for your sake that I was not there. To the tent you may believe. Nevertheless, let us go unto him. They said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. Praise the Lord. Yeah. Verse 17. 17. Then when Jesus came, he found that he had laid him in the grave 4 days already. 4 days already in the grave. Il était déjà pendant 4 jours dans le sépulcre. Look at from verse 20. Verset 20. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, 21. If thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Amen. Jesus said unto her, your brother shall rise again. Amen. Verse 24. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. So now that's what all of us believe. Das ist, was wir alle glauben. Später wird es passieren. Wenn das auch everything we want. Dann wird sich alles funktionieren. Aber Jesus sagt, ich bin right now. Hier. Praise the Lord. Halleluja. The kingdom of heaven is not later. Das Königreich right Gottes ist nicht Amen. Später, sondern jetzt. Amen. Vers 25. Sorry, ich bin so dass ich das mal. Praise the Lord. Halleluja. Vers 25. Jesus said unto her. Jesus sagte zu ihr. Praise the Lord. Halleluja. I am the resurrection and the life. Amen. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And so ever liveth and believe in me, shall never die. Believest thou this? Praise the Lord. Alleluia. Thank God. Hey. 27, please. 27. She said unto him, yes. Yes, yea, Lord. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Believe it now. And not later. Glaube es jetzt und später. Believe it now. Glaube and not later. Everything will work. On doit croire maintenant et pas que tout va fonctionner après. C'est maintenant que tout fonctionne. Amen. Amen. Amen. If you see religion, it's always later. Wenn du Religion anschaust, geht es immer um das später. Amen. Et quand tu regardes la religion, il s'agit toujours d'après. C'est jamais maintenant. Look at verse 20, verse 38. We close with from verse 28 to 40. Amen. 28-40. On va lire encore 28 jusqu'à 40. Jesus therefore again groaned in himself, cometh to the grave. It was a cave, and a stone laid upon it. Verse 39. And said, Jesus said. Sorry, de 38 à 40. 38. Amen. Jesus said, take ye away the stone. Martha the sister of him that was dead said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he had been dead 4 days. Mm-hmm. Verse 40 is very important. Merci 40. Jesus said unto her, said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Amen. Did I not say unto you? You know, you have to rebuild this woman again. Amen. You know, this woman just said, yes, that, you know, you asked him, he said, you believe? He said, I believe. And now you want to do so. He said, no, it's already sticking. Do you believe or not? The same thing everywhere today. We are, the next, now we are believing. The next second, we are asking so funny questions. We are saying so funny things that, you know, that is just fighting that faith. In einem Moment sagen wir, dass wir glauben, aber im nächsten Moment stellen wir Fragen, die zeigen, dass wir nicht wirklich glauben. Und das passiert auch heute noch. On peut voir que à un moment on croit, comme Marthe par exemple a cru, mais au prochain moment on pose des questions un peu bizarres qui mènent notre foi en doute. Donc et ces choses se passent même ici, aujourd'hui, jusqu'à présent, toujours. Let us believe him, please. On doit vraiment, croire à Jésus-Christ. On doit le Amen. Croire. Amen. Let us continue to believe him. On doit continuer Amen. À le croire. He is not a man that should lie. Il n'est pas un menteur. There is no lie here. Il n'y a pas de mensonge en lui. If his word says you already have it, you already have it. Stop looking at time. Stop looking at it. Just looking at some. Stop looking at whatever they look at. Just look at him. Worauf die Welt schaut, schau einfach auf ihn allein. Parce que si ta parole te dit que tu l'as, donc tu l'as déjà. Arrête de regarder le monde ou alors ce que le monde veut te dire. Fais seulement confiance en ton Dieu, à ton Père. Praise the Lord. Alléluia. So we close with this, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia.